t'es dans ma face. Après moi donc encore que je suis à toi. Avant d'être en elle, il faut que je te montre mon doigt. J'suis pas un gorro, j'prends beaucoup de pop. Mes rums, j'les mix avec mes sommes. J'te salue d'abord, j'te vois pas ta fresh. Mais non, ici, ton esprit, je lui flash. J'suis indépendant, ça t'attendant. Me fait du fun pendant que j'suis dans mes boss. Faut croire à ma personnalité. J'suis peut-être un type bad, mais j'suis bien entouré. On va souvent trop répéter que la vie, ça se prend comme une paille de dés. J'me lance des défis, toi, tu le fais aussi. J'me vois défiler à travers ces nuages gris. J'parle tout, j'parle rien. J'fais comme tous ces rappeurs qui, pour moi, valent rien. Ça arrive pas souvent, j'me fais du bien. Ma mauvaise humeur a irrité à plusieurs reprises mes nombreuses érections. C'est le jour de l'élection. Faut pas que j'fasse un choix de con. J'ai mes démons qui hantent mon esprit de vagabond. J'vais enlever la cliff d'un bis et j'veux faire écouter mon beat à tous ceux pour le commande. Et j'veux ramener du blé à mes bien-aimés. Yeah! Ma vie à fond sans trop faire le con. J'suis débossé, même trop à jeun. Donne-moi la bouteille de cognac avec moi, ça fait qu'un. J'me vends là de les hauts de la plage. Le soleil est caché en dessous des nuages. Yo, go get a strap, m'ont attaché. J'veux pas t'entendre dire que mon rap est fucké. J'vois le kayak, j'navais vers le nord. Maintenant c'est à vous de me passer sur le corps. J'fais mes adios aux gens qui me gossent. Après ça vient chialer, j'ai pas de paire de notes. J'ai passé ma vie à grinder trop fort. J'suis trop de bad dreams qui me remonteraient dans le corps. J'fais ton ziploc, j'veux ton brocoli. Ce soir, je veux le finally. Pas besoin de se cacher. Il faut savoir doser. Faudrait prendre tous nos responsabilités. Go get a strap, passe-moi ta caisse. Y'a des personnes nocives, je neutralise. De grands pouvoirs impliquent des grandes responsabilités. C'est la phrase cliché de Uncle Ben. Là, j'suis en train de dérailler. Faudrait que je la ferme. Yeah. Tango, c'est avec le time, on me dit pourtant que je vais être fine quand je me lève le matin pis que j'ai plus le temps pour rien. On me dit fonce dans vie. À date t'es mal parti, deux tours au beurre, avance d'une heure, mais faut pas que t'ailles peur. Laisse toi être au 100 km à l'heure, café, une crème, un souche, bouge d'habitude, j'ta famé à matin. Mais j'ai plus le temps pour rien, j'ai pas dormi assez. Faut que je me couche prochaine fois, j'ai pas dormi assez. Faut que je me couche prochaine fois. Yo, message d'intérêt public. Y'a personne dans la vie qui peut changer notre propre personne. Choisis quel chemin tu veux prendre, qu'il soit bon ou mauvais. Les opinions des autres, on s'en tape. Les petits regrets pour des niaiseries devraient passer dans le peur, pas le temps de se morfondre. Le monde est égoïste. Plusieurs pensent qu'à la petite personne, ça leur fait même plaisir. Fait que calisse-toi en man. Laisse jamais les autres changer la personne que t'es, même si tu te connais pas totalement à 100%. Fuck les avis, pis vis ta vie, Chris.